Si tu es différent de tous ceux qui s'accrochent au tarot, au bon Dieu, l'horizon n'est pas loin, tu en verras la fin. Tu iras mieux. Si le monde ne va pas où tu vas, si la vie n'est pas celle que tu crois, si nulle part où aller, si personne à aimer, que la nuit devant toi. Espérer, parce que la terre est belle, quand une étoile s'éteint, elle éteint par le ciel. Espérer, et encore et encore, à fatiguer la mort, à la faire hésiter. Si les hommes te font peur, te font taire, parce qu'ils aiment juste l'amour à faire, même si rien n'est normal, même si tout est fatal, c'est la vie, c'est l'enfer. Espérer, parce que ça vaut la peine, c'est pas toujours la haine, c'est aussi de l'amour. Parce que tu es en vie, même si t'as pas choisi ni l'endroit ni le jour. Espérer, parce que la terre est belle, quand une étoile s'éteint.